pas pu être normal. Faire des tonnes autour de ennemis. On m'a dit que s'il était présentable, j'aurais de la soc à part la mal. J'aurais pas pu être normal, être un soc et de soc, hein. J'aurais pas pu être normal à faire des tonnes de 3 minutes et demie. On m'a dit que s'il était présentable, j'aurais de la soc à part la mal. J'aurais pas pu être normal, être un soc et de soc, hein. Mais non, je fais des tonnes interminables qui ont pas de bon sens. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Ben oui, je critique les foules. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, je suis parmi toi, d'habitude dans la crowd. Je danse, je badifole, je m'amuse, je trash, je body surf. Et je t'en fais un merveilleux compte-rendu à te dire comment ça se passe d'être avec toi. Et... Je dis d'habitude parce que il est de retour! Oui, le spécial retour spécial DVD. Je l'ai fait pas du tout l'année dernière, tandis que les autres années, je prenais un break de la foule durant le mois de janvier pour rester dans la chaleur de ma demeure en pyjama, dans mon lit, en train de checker des DVD de crowd. Et surtout, ce que je trouve agréable de cette observation de la foule, c'est que cette fois-là, ce n'est pas mon angle, c'est l'angle de la caméra, c'est le choix aussi du montage. Alors, pour moi, c'est vraiment un exercice difficile parce que je peux pas aller partout dans la foule. Ah! C'est déjà le regard de quelqu'un d'autre que j'observe aussi. Et c'est aussi agréable comme exercice parce que toi aussi, crowd, tu vas pouvoir retourner voir ces 10 DVD et me contredire ou m'approuver en disant, ben, crowd, tu as tout à fait raison dans ton observation. Sur ce, ben oui, j'ai décidé de refaire un spécial DVD parce que je suis lâche. Non, mais... Moi, j'avais vraiment envie de rester chez nous. Mais aussi parce que c'est vraiment par une volonté d'aller voir un groupe en spectacle, mais qui donnait pas de show, que je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut que j'aille voir des vidéos d'eux autres sur Internet. » Chose qui m'arrive pas du tout spontanément pour Critique de Crowd. Je t'aime en vrai full, je t'aime pas tant en vidéo. Fait que ça a vraiment été une émotion très forte qui m'a amenée à, oui, revisiter le filmage de Crowd. Il y en aura toute une variété, puisque, oui, il y en a qui se trouvent sur Internet, il y en a, ce sera des DVD physiques, entre autres du Walk-in 2013, des vidéos des Rolling Stones, des bons vieux classiques qui datent parfois un peu moins, le documentaire Montréal Punk, la première vague, Power Wolf, et boy, j'ai vécu des émotions, je vous dis pas encore lesquelles. Et finalement, oui, Every Time I Die, que je vais vous parler tout de suite après le micro. Et pour être thématique, ben des films, passons tout de suite en thématique musicale. Avez-vous rembobiné votre film? Oui, c'est d'actualité. Du groupe 1, 2, 3, Go Ninja. Et ensuite, on va entendre le film du groupe L'Équipe. Vous rembobinez chers auditeurs. Vous venez d'entendre 1, 2, 3, Go Ninja, ainsi que l'équipe sur les ondes de CISM avec Critique de Crowd. Ah, j'ai dit spécial DVD, mais j'aimerais bien dire aussi spécial cocooning, cocooning de Crowd, parce que... Oui, je crois que c'est le seul moment possible. Bah, possible. C'est déjà vu des gens qui pourraient un peu somnoler dans la crowd. Mais d'être aussi emmitouflé dans ses draps et parfois même s'endormir devant la foule, je crois que c'est bien en faisant du cocooning de crowd que c'est possible. Ben oui, j'ai checké des DVD de foule, mais tout ça est bien dû au temps des fêtes. Je n'en suis toujours pas sortie, même si on est au milieu du mois de janvier. Eh boy! Parce que durant le temps des fêtes, j'ai été complètement une ermite, vraiment anti-crowd, là. Dans le sous-sol très trifluvien de très ma mère, en train d'écrire. Et oui, pour écrire, ben, j'aime beaucoup, et c'est pas très original, là. Oui, j'aime bien écouter de la musique en même temps, ça focus. Des fois, le silence nous aide à nous concentrer, et des fois, c'est l'inverse. Il est rempli de bruit ou rempli de choses qui nous distraient, fait que la musique donne des fois un certain focus. Et ça doit être les top 5, les top 50 de CISM, top 10, écoute, tout plein de top. Justement, vous pouvez aller voir le top 5 que j'avais à faire pour la musique rock et bruyante. Il se retrouve encore sur le site de CISM. Et aussi, réécouter notre top 50. C'est une parenthèse, mais je sais pas vous, crowd, mais je trouve tellement qu'on est précipité au mois de décembre que je trouve que le mois de janvier, des fois, ça commence plus lentement. Oui, il y a beaucoup de spectacles quand même, là. Je suis pas en train de dire qu'on est complètement en carence. Mais de voir ce qui s'est passé, tous les albums qu'on a manqués, il me semble que c'est un bon timing de l'année pour faire de la récupération. Fait que allez-y gaiement. Je trouve pas du tout que c'est déjà passé. Et justement, dans mes albums préférés, il y avait Bomb Pops et j'écoutais les vidéoclips pour... oui, écouter juste la musique, puis après ça, tu bifurques et tes yeux vont vers le vidéoclip. Qu'il y a de la crowd dans July NLA, mais ouais, là, tu sais, c'est bien arrangé, là, je veux dire, c'est pas du tout live. Non, non, c'est même un peu... tu sais, on joue un peu cliché, là, skatepunk, ils sont dans une demi-lune, trash avec un body surf d'une boîte de pizza, là, c'est quand même... Ouais, c'est sympathique. J'allais avec Comeback Kid, qui ont sorti un album aussi cette année, ou le vidéoclip Somewhere, Somehow. Et oui, relativement des parties en direct de spectacle, des petites, des grandes salles intérieures, extérieures. Je dis en partie parce qu'ils font aussi comme du pédalo. Ouais, non, ça n'a pas tant rapport avec les spectacles. Là. C'est plutôt les entre-spectacles. Et la foule est tellement belle! Mais justement, il y a le traitement esthétique, le montage, le fait que c'est un vidéoclip. Je suis assez certaine qu'il y a du ralenti, mais il me semble qu'il y a des moments qui ressemblent plus à des fresques. Je sais pas, les mouvements sont bien placés dans la foule. Et comment c'est filmé aussi sur scène, ça fait que c'est assez excellent. Et c'est sûrement que, y a toutes les suggestions que YouTube peut nous faire, je tombe sur Map Change de Every Time I Die, groupe que je connaissais, mais que je m'étais jamais attardée. Je ne peux même pas dire que je regrette d'avoir pris autant de temps à les aimer. Pas que c'est... Je me dis pas, oh mon Dieu, tout ce temps que je pourrais les apprécier, les avoir vus en spectacle. Non, non, j'ai vraiment eu le temps en 2 semaines de temps des fêtes de devenir complètement fan fini et de faire de la boulimie. Souvent, crowd, je vous suggère, quand je vous dis, allez écouter tel groupe, c'est plus sur Bandcamp parce que l'argent va directement au groupe et je trouve que c'est la plateforme la plus efficace. Mais, bien éthiquement, je voudrais jamais vous recommander Spotify, mais Spotify, Every Time I Die, ne font qu'un dans ma tête parce que j'ai écouté sans arrêt de façon déchronologique leur discographie. Puis vraiment, je trouve que c'est intéressant comme exercice quand tu découvres un groupe de voir qu'est-ce qu'ils ont fait récemment et retourner un peu, entre guillemets, aux sources. Ouais! Vraiment! Et là, je deviens... Pour ceux qui connaissent pas le groupe, en passant, là, c'est un groupe qui existe depuis 98. On est dans les eaux metalcore, de hardcore, punk. Quoi qu'il y ait un petit peu Americana à l'intérieur de certaines chansons. Et ouais, là, je vais voir sur le site s'il y a des dates, là, je suis comme, oh là, il faut que je les vois, ça doit être excellent, là, il y a trop d'énervement dans leur musique pour que ça soit pas écœurant en show, tu sais. Et non, avec déception, très peu de dates, et encore moins au Québec, paraît-il qu'ils étaient plutôt dans une tournée de petites salles au Québec cet automne, et ben ouais, là, je me suis dit, non. Mon enthousiasme, faut tout de suite que je le comble. Et oui, c'est en allant sur YouTube que j'ai trouvé des spectacles live d'eux autres. Celui que j'ai vu, c'est plutôt par hasard, parce que non, j'ai pas fait tant de recherches, là, j'ai juste pris le premier qui avait l'air bien filmé, là. Ouais! Parce que je crois que c'est un vidéo amateur. Je dis je crois parce qu'il est assez bien filmé pour que j'aie des doutes. Et en même temps, l'angle fait... OK, le moment aussi où le gars, il manque de batterie, là, mais... Ça y est, t'es obligé de faire un moment au montage. Je fais comme, désolé, je manquais de pile. C'est comme un intermède. Ça fait une très bonne pause. C'est excellent. Mais oui, alors j'ai pris le premier qui avait l'air plutôt bien filmé. Alors, c'était un spectacle l'année dernière, le 6 février 2017, au New Jersey, à la salle Game Changer World. Et je suis... Oui, j'adore ce vidéo-là. Il est en deux parties. Fait que si, tout comme moi, des fois... vous endormez facilement quand il n'y a pas trop d'adrénaline, tu sais, sur ton divan, c'est pas trop... C'est pas le moment que t'es dans un mosh pit pour de vrai, tu sais. Fait que si tout comme moi, c'est bien pratique de l'écouter en deux parties, ben je vous le suggère vraiment. Et quand je vous dis que c'est l'angle, je trouve qu'il fait la différence, c'est que contrairement à bien des spectacles qui vont être filmés de façon professionnelle, et surtout, tu sais, quand c'est des immenses foules où il va y avoir une caméra avec un hélicoptère, un drone, au-dessus de la foule, sur scène, tu sais, tu le vois, là, il y a de l'argent, il y a de l'installation. Cette fois-ci, le gars qui filme ou la fille qui filme, là, on le saura jamais. Ben, il est vraiment à côté du guitariste, le plus immense guitariste au monde. En passant, là, il est comme... ses bras, c'est comme deux fois ma tête, là. Je veux dire, il me fait peur même en vidéo, là. Il est immense, ça me fait capoter encore. Fuck, il est à côté de l'immense guitariste et juste en coin de la scène. Fuck, on voit très bien les premières rangées de la crowd. Et c'est un angle où... J'adore ça. Des fois, on veut montrer l'ampleur de la crowd. Oh, mon Dieu, le groupe punk. Puis oh, on voit toute la foule. Mais cette fois-ci, on n'aura jamais la perspective d'avoir une vue entière de la foule. Et même que je m'en fous un peu parce que l'action se passe tellement en avant. Oui, là, on a une très bonne vue, très intimiste avec le groupe qu'on pourrait pratiquement pas avoir, j'irais jusqu'à dire. Ou enfin, avec cette qualité de vue-là en spectacle. Et en même temps, une très, très belle vue du public qui est merveilleux. Je parlerai avec bien d'emballement de leur prouesse crowdienne, mais j'ai tout de suite envie d'aller en écouter parce que oui, c'était vraiment vraiment la folie furieuse dans ma tête d'écouter sans arrêt du Every Time I Die. Alors allons écouter de leur plus récent album, Low Teens. Vous venez d'entendre The Queen Has a Say de Every Time I Die sur les ondes de CISM avec Critique de Crowd, qui est bien heureuse de vous avoir partagé cette chanson. Puisque, oui, je te dis, je veux dire, même si le vidéo m'emballe autant, je me dis, ça va être comment en spectacle? C'est clair qu'un jour, je vais vous en faire une vraie de vraie critique de Crowd. Mais en attendant, pour tous ceux peut-être qui sont pas des amateurs du genre musical puis qui seraient peut-être pas prêts à payer un billet, vraiment, je vous suggère d'écouter au moins la première partie de ce spectacle-là au New Jersey, parce que la crowd en avant, je veux dire, show hardcore, ça va être plein de stage dive, c'est un peu sans surprise, mais ils sont tellement beaux! Ils sont tellement, mais tellement beaux! Ils ont des élans, là, c'est beau! Je pourrais mettre d'autres adjectifs qui pourraient être plus précis, mais la variété des figures est... Oui, je trouve qu'il y a personne qui le fait de façon si maladroite. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de monde qui se pète la gueule, là. Peut-être que c'est comme n'importe quel show, ouais, où il y a beaucoup de stage dive. Je me dis, pauvre personne dans les premières rangées, qu'ils ont toujours par-dessus la tête, là. Mais bon, ils ont pas l'air trop de souffrir, ou ils ont pas l'air trop d'être choqués ou tannés. Enfin, j'ai pas vu de l'impatience dans la foule, mais une très belle réception, justement, dans la crowd. Mais, oui! Des belles figures de stage dive, des beaux élans. Parce que, il faut dire, la scène, elle avait l'air pas trop haute. Déjà, ça, c'est assez pratique. T'sais, ni trop haute, ni trop basse. Trop bas, ben, t'sais, faut que tu donnes plus un élan. Trop haut, ben, ouais. Disons que si tu n'es pas retenu par la foule, c'est là que tu pourrais faire davantage mal. Je pense aux Foufounes électriques à Montréal. Oui, la scène est assez haute. Fait que quand, quand ça passe pas, tu le sens aussi que t'es retombé à terre. Alors, non, vraiment, tu le vois que c'est déjà des gens qui sont habitués. Il y a beaucoup de variétés aussi dans les stage divers, là. Fait que, il y en a qui peuvent en faire plusieurs fois. Des fois, c'est juste la marée aussi de gens qui fait en sorte que tu es constamment ramené en avant sur scène, tu sais, comme si le flot te ramenait sur le quai, puis là, tu replonges et tu reviens et tu replonges. C'est, il y a quelque chose de très aquatique avec... le stage dive. Mais autrement, oui, je trouve pas qu'il y a des gens qui veulent trop upstager sur scène. Autant pour les musiciens, pas tant de vol de micro, tu sais, déjà, show hardcore, c'est pas mal vu, là, de vouloir chanter à la place du chanteur, mais c'est plutôt l'inverse. Il va tendre le micro, mais pas tant les gens vont aller le voler, du moins dans ce spectacle-là. Mais je trouvais ça, puis pas beaucoup d'empilades. Ben justement, ils veulent pas tant voler le micro, fait qu'il y a pas d'empilades de « Ah, tout le monde va être après le micro, puis tout le monde gueule en même temps! » Il y a un grand respect de l'autre et un grand respect de la bulle des musiciens. Il y en a un peut-être qui donne une tape comme « Yes, sir » ou des petits bonjours, mais c'est assez subtil, assez court. L'action est évidemment due à la caméra, vraiment mis à l'avant des stage dives, mais j'ai l'impression que l'action se passe surtout là. Il y a eu une invitation pour un circle pit, mais bon, je le verrai jamais. Je te le dis, il était pas dans l'angle de la caméra, fait qu'on le saura jamais, il était comment le circle pit. Mais autrement, là, quand je vous dis de la belle variété, c'est autant t'as un stage diver poli, tu sais, comme celui qui dit « Attendez un petit peu, je m'en viens. » Fait oui, il fait un signe de une minute et il plonge. Celui qui prend son temps, qui... là, prendre son temps, là, c'est comme 2 secondes, 3, 6... c'était plus que 10 secondes, je trouve que c'est quand même un peu long. Il y a une forme d'efficacité pour que ton stage dive ait un bon impact dans la foule. Mais c'est vrai qu'il y a une rapidité, la prise de choix et de risque, finalement. Parce qu'il faut que tu trouves l'endroit où il va avoir la meilleure réception dans la foule. Puis en même temps, il faut que ça se passe. Pas une demi-heure, c'est la foule, là, tu stage dive, là, c'est... Fait que je trouve là-dessus que tout le monde a relativement un bon timing. C'est sûr que, tu sais, c'est pas parfait non plus, là, quand il y a comme 6 personnes qui se garochent en même temps. Ben oui, ça peut être difficile. J'ai l'image, il y en a un qui essaye de stage diver, mais il y a les souliers de l'autre qui body surf déjà dans sa face. C'est sûr que là, ça peut être un peu compliqué, là, question d'espace, encore une fois. Mais autrement, non! C'est très joli. Il n'y a pas beaucoup de pauses. Des fois, je pourrais pas dire musicalement, ça fait qu'il y avait des accalmies, mais des fois, il y a beaucoup de gens, des fois moins. Mais je trouve que c'était assez égal tout le long de la prestation. Et pour les figures, pour y revenir, ben il y avait... il y en a un qui s'est vraiment élancé, mais comme un saut de l'ange, là, en croix, là. Tu sais, ceux qui se donnent entièrement à la foule. C'est esthétiquement très beau. Puis il y a quelque chose de beau aussi. C'est, ben oui, oui, symboliquement, on pourrait dire « Ah, le saut de l'ange », mais aussi parce que tu as une complète confiance envers la foule en te lançant comme ça, pas comme un espèce de saut semi-assumé. Et le pire, c'est tout le temps dans ceux-là que tu risques de te faire mal. Fait que c'est des bons élans. Les gens, ils se donnent un swing aussi. Là. C'est ça qui est agréable, avoir des culbutes. Culbutes autant pour arriver sur scène qu'à l'intérieur de ton body surf. J'adore ça. C'est beau, c'est beau. Ça donne... Ça les... Je dis, j'ai pris des cours de gymnastique juste pour essayer de faire des culbutes puis des backflips plus beaux dans mes body surf et mes stage dive. Fait que ceux qui réussissent avec encore plus de... Ah oui, de facilité. J'ai complètement votre admiration parce que c'est beau, c'est efficace et c'est beau à voir. Et oui, vraiment, je vous invite tout simplement à aller l'écouter. Oh mon Dieu, dernière figure, cela est juste drôle parce que c'est un des musiciens, c'est le bassiste qui veut se lancer dans la foule et ça a plutôt comme eu l'effet d'un mur de jello, ça fait comme boing, t'sais, il s'est lancé puis ça reverse tout de suite. Fait que, ouais, je sais pas, je pense que c'était son angle, il était un peu trop 45 degrés, fait que la réception était peut-être difficile, mais vraiment, pour la variété, ça vaut la peine. Puis il y a du plaisir, on le voit. Les gens, je vois pas de hargne, je vois vraiment juste du plaisir. Il y a quelque chose de téméraire, évidemment, dans le fait de stage diver et de prendre une place sur scène. Mais ouais, vraiment, pour moi, j'ai eu du plaisir à le regarder. Fait que je me dis que leur plaisir à eux est encore plus beau parce qu'il est communicateur. Je trouve ça vraiment fantastique. Sur ce, ben écoute, avoir parlé de metalcore, ben ça me donnait le goût d'en passer encore plus. Fait qu'on va, on s'en va écouter Obey the Brave. son de l'église dans leur chanson Be the Brave avec, oui, vous avez entendu, Les temps sont durs de leur plus récent album, Mad Season. Et critique de crowd, critique chez elle, tout en cocooning, plus de crowd du walk-in en 2013, de Powerwolf, jaser de punk, juste pour avoir le temps de jaser de tout ça après les publicités. À tout de suite. Mo and Cashmere Cat en spectacle au MTELUS de Montréal le samedi 20 janvier avec invité spécial Darius. Le Miao Tour, une collaboration entre deux artistes de l'heure à ne pas manquer. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du MTELUS ou via evenco.ca. Mo and Cashmere Cat, 20 janvier au MTELUS. Présenté par Greenland et Evenco. Igloo Fest, le festival de musique le plus froid au monde, est de retour et vous invite à venir célébrer l'hiver en grand du 18 janvier au 3 février. Ce jeudi, vendredi et samedi, on débute les festivités avec nul autre que Bonobo, Kid Granada, Killy Smile, Uri et Petit Biscuit. Pour les billets et toute la programmation, rendez-vous au igloofest.ca. Igloo Fest au Vieux-Port de Montréal, t'en reviendras pas. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vous aimeriez gagner des billets pour plein d'événements? Venez découvrir la page de Où, quand, quoi, un calendrier événementiel en ligne qui vous permet de gagner des places pour assister à des spectacles gratuitement. Amateurs de théâtre, de cinéma, de musique, de festivals, de spectacles d'humour ou de danse, il y en a pour tous les goûts. Visitez le whoquandquoi.ca et la page Facebook de Où, quand, quoi pour participer. Vous pouvez même ajouter vos propres événements. Dépêchez-vous, c'est gratuit. Le Vivier vous invite à sa journée porte ouverte dimanche 21 janvier de 13h à 18h au Jésus. Sous le thème de l'avant-garde en musique et en mode, assistez à des prestations musicales live, des défilés et des ateliers, c'est gratuit. Pour plus d'informations, levivier.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. 5-14-25, propulsé par Commotion Agitateur de Culture, présente Tire le Coyote à Laval. Son nouvel excellent album « Désherbage en poche », Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, est de retour sur scène pour présenter son folk rock aux accents siamanais. Venez découvrir la puissance de son écriture et sa sensibilité. Tire le Coyote, le 18 janvier, en spectacle à la Maison des Arts de Laval, située tout près du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Vous écoutez CISM 89.3 FM. We'll be right back. l'hiver nucléaire de Mardi Noir sur leur plus récent album L'œil de la tempête. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd qui aime vous mettre du Mardi Noir parce que ils sont bons. Et aussi, ils seront en spectacle vendredi à l'ESCO avec Zouz. Et oui, et je fais un lien énorme dans ma tête et c'est vraiment juste pour moi parce que la dernière fois que j'ai vu... Non, c'était même la première fois, alors donc la seule fois que j'ai vu Mardi Noir en spectacle, la thématique était après-ski. Alors dans ma tête, Mardi Noir ne joue qu'en fluo et en saute de neige. Et pour moi, ben oui, ça me fait très drôle comme timing puisque ce soir va commencer l'Igloo Fest avec nul autre que Kate Renada qui va nous faire danser ça, le quai Jacques Cartier. Et oui, je vais manquer le spectacle de Mardi Noir parce que je vais être à l'Igloo Fest pour Petit Biscuit qui sera en prestation. Oui, ça se dit mal hein, en spectacle. Bref, il va jouer à l'Igloo Fest Petit Biscuit vendredi. Sur ça, si tu me trouves dans la crowd, ben si tu me trouves, tu gagnes un high five. Et si tu es plus rocker, parce que justement, j'en pense allègrement sur les ondes de CISM, mais j'ai pensé à toi vendredi. Oui, je ris parce que c'est un show hommage. Et non, c'est pas très CISM. C'est le show hommage aux Doors, Feast of Friends, au Club Soda. Oui, le club hommage du Club Soda. Et j'aimerais beaucoup ça que quelqu'un y aille et me confirme que le chanteur sera ou pas en chest. Ben oui, on veut savoir si c'est ressemblant ou non. Alors, c'est à suivre. Alors, ben oui, vous écoutez Critique de Crowd avec ses suggestions. On est déjà rendu à samedi avec Imov et Russ Eden qui vont jouer à l'ESCO. Sinon, juste à côté, OK, ça va être Dead Sticks avec Dates et Walmart. Il n'y a pas de voyelle. Alors, j'ose croire que c'est Walmart et j'ai envie d'aller voir le spectacle juste pour me faire confirmer l'information. Déjà, c'est merveilleux, un groupe qui s'appelle Walmart. Dimanche, la thématique est trop parfaite. J'avais déjà été à voir un spectacle hardcore avec du spaghetti, mais cette fois-ci, c'est les Sunday Pasta Party avec Bloodshot Bill. C'est un 5 à 8. Ben oui, du spaghetti pour ton hangover, c'est malade. Fac, vas-y gaiement avec Bloodshot Bill. Alors, un super spectacle spaghetti, super spaghetti spectacle. Je trouve que toutes les voyelles vont bien ensemble. Je trouve que la combinaison est gagnante en soi et c'est à l'ESCO. Ça risque d'être assez excellent. Sinon, lundi, le verre bouteille, oui, il y a souvent des shows le lundi, puis je trouve vraiment qu'ils ont une belle programmation. Cette semaine, c'est Lou-Adrien Cassidy. Sinon, mardi, Destroyer va être au Théâtre Fairmount. Mercredi, je connaissais pas le groupe. Il me paraissait plutôt populaire. Et quand j'ai entendu la toune, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est eux! Parce que la chanson, c'est Stolen Dance de Milky Chance. Je connaissais zéro et je sais toujours pas pourquoi je connais la chanson. Mais bref, je crois que ça va être quand même sympathique au Metropolis. Sur ça, on va continuer tout de suite avec les chansons du palmarès francophone avec Victime et Ponctuation. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Vous avez entendu Victime et Ponctuation avec leur chanson Fatigue et Fleurs. Pour toutes les autres chansons du palmarès franco, mais va sur le site de CISM, c'est ism893.ca. Tout plein de belles choses, tout plein d'onglets, c'est merveilleux, les internets. Et sinon, sur ta radio ou sur la balado, sur tous les moyens que tu veux pour écouter la radio, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet en ce spécial, parce que toutes les émissions de Critique de Crowd sont spéciales. Ben oui, spécial Cocooning de Crowd, DVD de Crowd. Et une de mes places préférées à Montréal, c'est la Bibliothèque nationale. Et je vous dirais que leur collection de DVD est assez, j'allais dire merveilleuse, mais non, est décevante. Ah! Non, je me reprends. Après avoir justement écouté Every Time I Die sur YouTube, ben là, je me disais, allons découvrir, oui, alors pas nécessairement juste butiner sur les internets, j'avais envie de me surprendre, alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en vrai à la bibliothèque. Et les sections rap, reggae, étaient vraiment minuscules. La section électro, c'était comme électro et pop, puis il y avait genre Death Mouse, puis c'était ça, là. Fait j'étais comme, ben mon Dieu, Seigneur, qu'il n'y a rien. Fait que non, je me suis pas tant aventurée hors du rock, déjà en partant, parce qu'au début, je trouvais pas les autres catégories. Ils sont comme divisés. Moi, je pensais que c'était toute musique, mais non, il y a comme la section rock, puis après ça, t'as la section autre. Non, mais... Non, c'est juste qu'ils sont divisés, tout simplement. Et le rock, c'est quand il y en a quand même pas mal. Elle est quand même assez grosse. Du hard rock, les classiques rock. Et oui, beaucoup de métal. J'ai l'impression, je sais pas à quel point c'est bien représentatif des genres musicaux, mais aussi des habitudes des consommateurs de ces genres-là. Parce que oui, en métal, les gens sont fervents et collectionneurs, fait que je trouvais que, est-ce que c'était sous-représenté par rapport à d'autres genres musicaux, justement comme le hip-hop dans les classifications? Je sais pas, je lance ça en l'air, mais surtout, amateurs de rap, suggère-moi des DVD de spectacle, parce que, ouais, c'est triste, je n'avais pas envie de faire un retour sur Eminem, fait que c'est ça. Alors, oui, par contre, des fois, justement, le nombre de DVD a eu une incidence sur mes choix et c'est complètement le cas pour Powerwolf, que je ne connaissais pas du tout. Mais au lettrage, je me doutais bien que c'était du power metal. Mais il y en avait deux. C'était juste un coffret triple de leur spectacle. Ben moi, en tout cas, le spectacle que j'écoutais, parce qu'il y en avait trois, c'était celui en République tchèque durant le festival Master of Metal. Et ouais, il y avait deux coffrets de Powerwolf. Fait que je me suis dit, ben mon Dieu, ça doit être populaire. Fait que je le prends, puis je me dis, à l'aventure, je n'écoute pas vraiment de power metal. Non, ce n'est pas beaucoup mon genre de prédilection. Alors, ouais, je décidais d'y aller vraiment... à cœur ouvert, tu sais, y aller puis découvrir. Et j'avais sans malice et sans non plus, j'en ai pas assez vu de spectacle pour avoir vraiment une impression. Quoique, ça m'a rappelé le spectacle de Nightwish durant EV Montréal en 2016, mais c'est du métal symphonique. Fait que peut-être qu'il y a des ressemblances entre les deux genres. Si tout comme moi, tu connaissais pas vraiment Powerwolf, c'est un groupe de power metal allemand qui existe depuis 2003. Et je doute bien que Powerwolf, ça doit être dû au nom de famille des deux frères qui forment entre autres le groupe, là, ils sont quand même nombreux parce que leur nom de famille, c'est Grey Wolf. Hey, petit extrait pour tous ceux qui apprécient le genre musical. Ouais, ça sous-entend que je mettrais pas une tonne au complet parce que j'étais pas capable. Ah, question intensité, oui, c'est... on en a tout plein. J'ai oublié de spécifier aussi, ben oui, il y a de l'orgue dans Powerwolf, il y a des chœurs et parfois il y a des extraits en latin dans leurs chansons, rien de moins. Ils sont aussi maquillés, mais pas en loup. Ça, c'est pour ça que je dis que ça doit être leur nom de famille, parce que j'ai regardé le spectacle puis je comprenais pas leur maquillage. Ça me rappelait peut-être plus des maquillages, ouais, presque, je voudrais pas exagérer, là. T'sais, un peu quelque chose comme Hound Kiss puis du black metal, t'sais, c'est noir et blanc avec des formes, c'est plus ou moins clair. Moi, c'était pas du tout clair dans ma tête, en tout cas. Mais pour les fans, j'aimerais bien avoir votre explication de leur esthétique. Parce que pour le reste, oui, il y a quand même plus des connotations de l'église dans leur costume. Pour la mise en scène, il y a du feu. Dis de même. Ouais, ouais, les gros festivals, il y a tout le temps des canons à feu, là, mais là, ça... sans arrêt, là. Pas des feux d'artifice, là, la limitation, le bruitage sera approximatif, là, parce que c'est vraiment comme des jets de feu sans arrêt. Et pire que ça, vu que la technologie est au rendez-vous, mais là, il y a des angles! Fait que là, c'est comme pow, pow de feu à 45 degrés, 90... Non, pas 90 quand même, là, mais disons, drette dans le ciel. Et... il y a presque tous les éléments, peut-être pas la terre sur la scène, mais il y a l'air, puisqu'il y a aussi des ventilateurs pour se soigner la tignasse des musiciens. Et des fois, ils sont pas si proches de ça, des ventilateurs, ça leur fait juste comme une petite auréole de couette qui, qui revole. J'espère pas parler de façon trop péjorative, parce que le DVD m'a fait pogner les nerfs, pour être franche. Oh mon Dieu, je le dis tout de suite comme ça, au moins ça va être sincère dans ma critique. Le genre musical ne vient pas me toucher tant personnellement, et dans la foule, il y a une uniformité. C'est modéré, c'est pas calme, et je pourrais pas juger leur appréciation. Tu sais, ils trippent sur le ben. Fait que c'est comme ça qu'eux autres, ils ont de l'amour. Quand je disais la comparaison avec Nightwish, c'est que c'est très placé, tu sais. Tout le monde a sa petite place dans la crowd. Ça bouge pas. Mais les gens... moi, de mon souvenir, Nightwish, les gens étaient super polis. Genre, si tu te déplaces, c'était difficile, mais ils voyaient que j'étais petite. Fait que souvent, ils faisaient comme « Veux-tu voir de plus près? » Et j'étais comme « Ah, c'est bien aimable. Vous êtes bien courtois. » Et j'avais, même à travers le DVD, j'avais quand même cette perception-là. On voit pas de grands mouvements, de foule, il n'y a pas de mosh pit, il n'y a pas de trash. J'ai pas souvenir qu'il y a des body surf, il y a des claps, mais tu sais, quand il dit allez, ils tapent des mains, ben, tout le monde tape des mains uniformément, bien ordonné, bien égal. La chanson est finie, oh, on clappe plus, là, c'est fini, on applaudit. T'sais, tout est bien placé. On est loin du chaos. Là. C'est en même temps, je me dis que c'est ça. J'ai l'impression de juger leur bonheur. Ils ont l'air de triper. Sauf que, le choix du caméraman me faisait douter des fois du bonheur des gens. Parce que j'ai vraiment l'impression que le montage s'est fait en direct. Me dis pourquoi? Pourquoi ils ont décidé de filmer le moment précis où la fille débarque des épaules de son ami? On l'a pas vu triper, on l'a pas vu failler, puis chanter les paroles, on la voit débarquer des épaules, c'est comme mal, partez fini, tu sais, c'est pas très, il y a pas d'engouement là-dedans, dans ce mouvement-là, mais j'ai surtout en tête, quand même, ils prennent le temps de le filmer, là, quelques secondes, mais le gars, juste assez concentré pour que tu vois qu'il, peut-être pas omnubilé, mais oui, il est attentif au spectacle, il donne toute sa concentration, la bouche entrouverte, il a l'air de mâcher une gomme. Tu vas passer la pérennité en tant que le mâcheur de gomme fan en République tchèque, en tant que fan du groupe Powerwolf. Non, mais je sais pas, mais... En tout cas, il me semble que si je me reconnais et que j'ai cette face-là, je vais faire comme « Ouais, j'ai pas l'air si enthousiaste. » C'est ça que tu veux que tu montres comme fan dans ta crowd. Puis c'est ça qui est drôle. Plus loin dans le spectacle, il y en a comme... Ils ont trouvé une espèce de gars maquillé. Puis, tu sais, ils sont un peu plus dedans. Là. Ils sont un peu plus crinqués. Ils chantent avec un peu de hargne. Mais, tu sais ça, la hargne modérée, mettons. Fait qu'on voit déjà... Oui, comme si le montage est fait en direct, parce qu'autrement, il me semble que je l'aurais mis plus souvent à la gang de gens excités, parce qu'il y a aussi une grosse répétition des faces. Souvent, les mêmes fans qui reprennent, puis je suis comme, voyons, c'est parce qu'ils trouvent cute, Joe, ou c'était les seuls qui avaient comme, tu sais, ils faisaient des faces, puis qu'il y avait un enthousiasme particulier. C'est dur à définir. Puis en même temps, en tant que spectatrice chez nous, devant mon écran, j'avais juste cette perception-là, tu sais, de la foule. Mais reste que les gens, ils étaient maquillés, plus ou moins ressemblants au Ben, là. Fait que là, je me suis dit, ça doit être d'inspiration. En tout cas, j'étais pas capable de spotter lequel membre qui voulait imiter le maquillage. Ça a été ma grosse réflexion. Ça, puis le gars qui avait un masque de rat, puisqu'il n'y avait pas de rat sur scène, un beau masque artisanal, papier mâché, ça sentait l'amour, ça sentait l'artisanat complètement, mais encore plus l'amour, tu sais, quand tu le fais toi-même, puis que c'est pour le groupe. Mais je voyais pas, je voyais pas le lien avec le spectacle, là. Fait que je me suis dit, c'est moi qui manque le référent, et que je suis pas une fan, et que je suis plutôt mal placé pour apprécier ce DVD et avoir autant de doutes sur, oui, les choix d'angle, les choix de spot de dans la foule et même la prise de son. Tu sais, les applaudissements sont tellement forts, je comme les ont pris de haut pour que ça soit aussi, encore une fois, uniforme. C'est représentatif aussi de l'appréciation de la foule, le fait que ça soit aussi égal, mais ça me fait beaucoup rire parce que des applaudissements, là, tu sais, comme, là, moi, je suis tout seul, fait que ça sonne moyen, mais à plusieurs, ça sonne soit comme du popcorn qui éclate ou de la pluie. Fait que, écoutez le spectacle les yeux fermés, des fois, on peut interpréter, puis c'est quand même agréable. Là où j'ai pogné vraiment les nerfs, c'est parce que le show, il durait comme 30-40 minutes, puis je me dis, mon Dieu, c'est bien court, il devait pas être les headlines du festival, finalement. Ah non, non! Là, il y a une toune, là, il arrête, après ça, c'est one more song, puis là, il en font une autre. Là, il y a des espèces de pauses. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu 5 rappels. J'ai trouvé ça interminable. Et c'est encore plus le moment qui confirme que je suis mal placée, parce que si t'es fan, t'as pas envie que ça finisse le spectacle, même si t'es pas en sueur, même si t'es pas en cri, même si t'es pas d'une frénésie totale. Juste, t'aimes ça, c'est ton ben, t'en veux toujours plus. Mais en direct, je me dis, comment, toute bonne chose a une fin, non? Tu sais, ils ont fait un salut, là, de façon très théâtrale. Salut, ils s'en vont, c'est pas fini! J'en revenais pas, je me disais, voyons, ils ont fait un salut, mais ça me semble que c'est le truc le plus clair, tu sais, ils vont revenir faire un salut, pas genre je fais un salut, je fais une autre chanson. Il a fallu que le spectacle termine, puis qu'il y ait de la musique en même temps pour confirmer à la crowd, ce sera vraiment terminé, les amis. Fait que, ouais, je me suis dit que j'étais peut-être pas dans les mêmes habitudes crowdiennes que les amateurs de power metal, ou juste que, ouais, vu que j'étais pas fan, je trouvais le show, genre, je me dis, ah, c'est fini, puis ah, non, ça finit jamais. Puis là, vous me direz, mais Jolene, c'est un DVD, t'avais juste à l'arrêter. Non, tu comprends pas, je le prenais super personnel. J'étais comme, je vais le terminer, ce spectacle-là, là. Il y aura pas, c'est pas lui qui va avoir raison, je vais le finir. Fait que je l'ai vraiment écouté au complet par orgueil. Oui, je suis capable d'avoir beaucoup d'émotions fortes, même chez nous, même en checkant de la crowd, que je trouve bien ordinaire. Sur ça, ben, on va continuer la musique. Puis là, oui, j'ai vraiment pensé aux amateurs de power metal, puis j'ai envie... Le pire, c'est que oui, avoir quand même pogné les nerfs, je me dis, je devrais aller les voir en vrai, juste me confirmer les perceptions que j'ai eues. Et j'ai cherché du power metal en français. Et boy, ça s'est trouvé comme l'expression, là, une aiguille dans une botte de foin. Fait qu'on va passer à côté et on va plutôt écouter du bon rock, mais qui parle de loups. Alors, le pack des loups de Crook Bangs. Yeah! chez moi un gros tour. Sur l'album Et tant pis si cela vous déplaît, Les séquelles à la chanson Mon loup, sinon vous avez aussi entendu Crook Bangs et la chanson Le pacte du loup. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui te jase de Crowd que tu pourras toi-même regarder puisqu'ils sont en DVD spécial cocooning, spécial DVD de Crowd. Et dans la section rock, ben oui, il y avait tout plein de métal comme je te mentionnais. Et il y a plusieurs DVD du Walk-in Open Air et... Oui, je t'en ai déjà parlé, Crowd, jadis, puisque une bonne fois, la Crowd, je t'apprécie toujours, même dans la rue. Et une fois, en sortant de CISM, il y avait un gars qui avait un T-shirt du Walk-in Open Air de la même année. Je crois que c'est il y a 2 ans, fait que ça devait être un T-shirt de 2016. Et j'avais dit, tu es allé au Walk-in, comment c'était? Il était venu en jaser sur les ondes de CISM. Il s'appelle toujours Kevin. C'est juste qu'il était tout simplement de passage à Montréal, puisqu'il était français. Il est de retour à son bercail. Alors, je le salut, même si je doute bien qu'il n'écoute pas CISM en ce moment. Quoique, la magie des internets fait qu'on est bien international sans qu'on y pense. Ah, la marge, toujours la marge. Et pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi le Walk-in Open Air, ben c'est le plus gros festival de métal au monde. Il se passe dans le village Walk-in en Allemagne depuis 1990. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Dans les chiffres là, les plus récents que j'ai trouvés, là, c'est pas super parce que c'est 2009, là, mais il y avait en tout 80 groupes et 77 000 personnes qui étaient de passage. C'est 5 jours, il y a du camping. Et j'espère que là, il est installé, mais je sais qu'elle a installé une pipeline de bière pour te dire comment, oui, justement, les gens boivent beaucoup, mais que le spectacle a beaucoup d'ampleur. Ça fait longtemps, je crois qu'il y a une certaine stabilité. Là. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Et je trouve que ouais, c'est quand même un choix écologique, ou du moins, c'est d'être très conscient des habitudes de sa foule. Tu sais, tant qu'à amener plein de barils de bière puis des copes, Ah ouais, il le fut! Et une grosse pipeline. Et je dis que c'est là depuis 90 et que ça va bien continuer dans le light. Il y a même des nouveautés parce que c'est la deuxième édition cette année du 23 au 25 février. Il va avoir le Walk-in d'hiver! What? Et en regardant vite, c'est surtout des groupes allemands. Ils ont l'air d'être un peu dans les tangentes médiévales, symphoniques. Alors, pour ceux qui aiment le genre, ben allez-y. Qui sait, peut-être que vous aurez une fin de semaine de libre pour aller en Allemagne. Et ben oui, le walk-in, je ne suis jamais allée, mais j'ai un ami qui s'en va habiter en Allemagne. Puis là, j'étais comme, ça serait bien agréable de rendre l'utile à l'agréable. Et puisque je n'en avais juste entendu parler, je me suis dit, commençons par voir la crowd en vidéo, voir si elle est agréable. Parce que je suis pas tant une fan. Je n'ai jamais fait de critique de crowd de gros festivals où il y a du camping parce que, c'est de l'organisation. C'est vraiment... C'est vraiment juste parce qu'il faut que je prenne congé 3 jours de suite. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est un gros... C'est donc bien de l'investissement de temps, de déplacement, d'organisation, de thermos et de kit de camping. Ouais. Mais justement, je crois que c'est le gros point, puis ça peut pas se filmer. C'est l'aspect social du walk-in. Ça devient comme un village en 5 jours. Et oui, il y a la démesure parce que le site est immense. Il y a aussi, mon Dieu, c'est le Metal Village. Je vais vous renvoyer le lien sur le Facebook de Critique de Crown, mais il y a eu un documentaire... pas faite par le walk-in. Et la toute dernière scène du documentaire, c'est le ménage qu'ils font après le festival. Là. C'est épouvantable. Ben, disons, les activités humaines font ce qu'elles font, là, faire du gaspillage puis de la pollution. Mais, mais c'est l'immensité du terrain. C'est pas possible. Les décors sont immenses. Les scènes sont immenses. Il y en a 5 en tout, mais les 2 grosses stages, ça en fait du monde. Mais personnellement, en regardant les vidéos, ce qui m'a le plus surpris, c'est comment, oui, la foule est grande sans bon sens. Mais comment... peut-être que c'est vraiment, encore une fois, juste une question de caméra, mais je voyais rarement 2 pits. Il y en avait juste un. Et je trouve ça étonnant parce que pour les festivals de grande envergure à Montréal, ben oui, là, tu sais, souvent la crowd va être séparée en 2, fait que nécessairement, ça va faire 2 pits parce que, ben tout le monde veut du plaisir puis on peut pas être centré. Mais que cette fois-ci, il y en a juste un, à peu près dans toutes les vidéos que je voyais, oui, ça m'a vraiment surprise. Le problème, c'est la notion de proportion. La foule est tellement grande, puis de la façon qu'elle est filmée, je me dis, il est-tu grand ou il est petit, le mosh pit? Des fois, il a l'air petit, puis je me dis, c'est un petit, mais il doit avoir un format quand même assez grand. T'sais. Et quand il a l'air grand, il doit être grand sans bon sang. Alors, d'où la raison d'y être bien en vrai. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes. Là. Il n'y a pas tous les groupes non plus qui sont présentés sur le DVD. Il y en a 3 à l'intérieur du coffret. Moi, j'ai écouté juste le tout premier. Et... j'avais cette drôle d'impression que ça donnait quand même un aperçu, encore une fois, peut-être pour... tu as envie de découvrir plein de groupes en même temps, ça te fait comme un échantillon. Mais aussi, question style, comment, par rapport à chaque genre de métal, on voyait, sans généraliser, mais qu'il y avait, oui, des actions types, des façons types de réagir qui allaient avec le genre musical. Moi, allons-y gaiement avec, les quelques groupes, juste quelques-uns que j'ai vus dans le DVD 1. Ça commençait en force, là. Moi, je viens de te parler de Power Metal. Là. Ça commence avec Sabaton. Sabaton, qui est un groupe de Power Metal suédois. Et je suis restée stickée pas à peu près ses souliers du gars. OK, si vous avez jamais vu en image, là, ou en photo, là, ben, le groupe, genre, il porte une espèce d'armure, une genre d'armure, mais qui leur fait des 6-packs de métal, là. Avec des pantalons d'armée, mais le gars, le chanteur, il porte des souliers qui... Tu sais, les souliers avec des orteils. Drette ça. Fait que là, il a l'air d'un guerrier, mais avec des orteils. J'arrêtais pas de regarder ses orteils. J'étais incapable. J'étais comme, voyons, ses orteils, ils sont pas tout nus, ils sont en souliers, mais on voit tous ses orteils. Il est en chaise de métal avec des orteils. Mon cerveau comprenait plus rien. Et après ça, ben oui, j'ai regardé la foule qui avait l'air d'avoir quand même pas mal de plaisir. Oui, il participe, clap des mains. Et quand on a des festivals aussi gros, je crois que c'est il y a quand même une forme de permission qui est plus grande, là. Fait que il y a un gars qui a amené son bateau gonflable avec un chapeau, avec une énorme plume frou-frou rose, un spaghetti en guise d'épée, et il a vogué comme ça sur la foule. C'est sans dire que c'est du jamais vu, là. Oui, on peut voir des gens qui apportent des accessoires pour body surfer, mais je te dirais que lui, il était assez bien équipé. On sent qu'il y a du plaisir. J'ai l'impression qu'il était peut-être plus là pour des groupes de viking metal, là, mais bon, il faut bien qu'elle profite de son bateau. Là, en plus, les autres sont des exemples guerriers aussi, là. Je veux dire, tout est thématique, tout est dans tout. Ça va bien, ça va bien. Sinon, ensuite de ça, c'était Trivium. Encore une fois, là, Sabaton, j'avoue, j'avais jamais vraiment écouté ni attardé. Fait que j'ai quand même été... ouais, bonne surprise. La crowd était quand même participative. Trivium... Pour du heavy metal, oh mon Dieu, ils sont dans plusieurs zoos là, quand même. Mais je, encore une fois, bonne surprise sur la participation du groupe. Ben quoi qu'il y avait bien de la boîte. Je crois qu'il y a plus où les gens ont été arrosés d'eau là, parce que il était tout. Il avait l'air d'être trempé dans le chocolat. Tu sais, il avait l'air de s'amuser dans le circle pit et de se pousser, de jouer dans la boîte. Mais de loin, il avait l'air surtout de il y avait l'air à des cornets trempés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'était cute, de loin, mais de proche, ça ne devait pas sentir très, très bon. Sinon, ensuite, c'était Anthrax. Ben oui, classique du trash américain. Puis justement, quand je disais que ça ressemble au style, tu sais, on le voyait, là, le headbang en première rangée, les circle pits. Ah ouais, tu sais, blague, poupée gonflable. Poupée gonflable dans la boîte, là, ça fait un peu large, un peu douteux aussi, là. Mais bon, hein, on choisit pas ses accessoires et la température. Et encore une fois, dans les accessoires, il y avait un gars qui avait une bouée rose qui s'est complètement élancée dans le trou de boîte, alors l'interaction avec les éléments de la nature. Ah oui, on s'amuse dans le village du Wacken. Sinon, il y a aussi beaucoup de variétés. Je trouve que dans la lignée du DVD, on passait justement power metal et aussi en fin de soirée symphonique metal, mais entre les deux, des sons un peu plus brutaux et même du hardcore avec Agnostic Front. Et encore une fois, quand tu vois en comparaison avec ce qui s'est fait avant, le fait qu'il y ait un énorme circle pit, ça fonctionne avec, oui, les habitudes du groupe, de la crowd et du style musical. Et c'est un circle pit très beau. Il est immense de chez immense, là, ça n'a pas rapport. C'est comme un peu comme un inverse trou de beigne, là, parce qu'il y a plein de gens au milieu puis ça tourne énormément. Là. Il y a beaucoup de participation. Mais ce qui m'a le plus fasciné, étant donné la caméra qui nous permettait de voir au-dessus de la foule, c'est comment la géométrie était parfaite. Bien, j'ai l'impression qu'avec le mouvement aussi, ça pourrait être difficile de faire comme un circle pit qui ressemble plus à un œuf ou qui soit ovale. Mais quand on est à l'intérieur, on n'a jamais la certitude de faire si bien un cercle. Je sais pas, peut-être qu'on les voit pas assez souvent vu de haut, là. Même au Métropolis, tu sais, c'est quand même difficile d'avoir une perception parfaite parce qu'on n'est pas au-dessus, on est comme au balcon. Fait que, je serais curieuse de savoir la capacité qu'on a de faire des formes aussi géométriques. Est-ce que c'est comme le mouvement naturel de tournoyer comme ça qu'il fait naturellement ou c'est juste comme cette crowd était vraiment une pro du cercle? C'est à suivre. Et sinon, pour terminer, parce que je pourrais pas faire le tour de tous les groupes qui étaient présents, parce que mais il y avait Motorhead qui en 2013 étant mon Dieu, c'était pas encore leur dernière tournée, mais quand même on dirait que juste à le voir, j'étais comme on dirait que c'est bizarre de dire j'étais ému en checkant Motorhead, mais en même temps ouais ça me faisait un petit pincement au cœur. Mais juste avant, il y avait Deep Purple, puis il y avait aussi Thunder, puis je trouve ça tellement drôle de faire un choix comme ça à la caméra, tu sais, je veux dire, pour filmer la crowd, pour filmer le band. Là, il y a comme un intermède musical et pendant que le chanteur chante pas, il est allé essuyer le crâne vraiment au complet du drummer. Puis je me demande pourquoi on passe comme un bon 30 secondes en tant qu'auditeur, tu sais, en tant que toi, chez vous, tu checkes comme le chanteur vraiment sécher le crâne de son drummer. Je trouve que c'est un moment personnel, je trouve ça beau, mais en même temps, je trouve ça un peu étrange, comme... Pourquoi on a gardé ça au montage? Ça doit être aussi pour ça que les DVD... me fascinent, ils m'obligent à un angle, puis des fois, c'est vrai que ça me fait questionner, comme, pourquoi? Pourquoi je le vois sécher son crâne? On le saura pas, faudrait aller demander au monteur. Sur ce, ben, Walkin' Open Air, c'est une couple de serviteurs du métal qui vont à ce festival, justement, on va aller écouter cette chanson-là de mon oncle Serge. Ils ont l'air drogués et le plus souvent le sont. Ils traînent tard dans la nuit, dans des bars toujours au bord de la faillite. Leur peau est tatouée de dessins macabres, de noms de groupes norvégiens et de faces de diable. Mais faites-vous pas avoir par leur air méchant. Tous les dimanches, ils vont souper chez maman. Pauvre comme Job, ils butinent de make a job en make a job. Ils vivent dans des taudis qu'ils ont peine à payer et qui tiennent moins du logement que du camp de réfugiés. Maudits soient les serviteurs du métal, partout rejetés, même à l'Assemblée nationale. Regardez nos députés, rien que des vestons en cravate. Pas un crisse de gilet, de black sabbat. Mon oncle Serge. Il est toujours thématique avec mes émissions, c'est pour ça que j'aime autant en passer. Il rend souvent hommage aux métalleux et cette fois-ci, ben oui, il montre qu'ils ont un bon cœur, un cœur de petit garçon qui aime leur maman dans la chanson Serviteur du métal sur son album Ça, c'est de la femme. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui te jase de DVD où il y a de la foule cette semaine. Je dis ça, puis en même temps, celui que je vais vous parler, Montréal Punk, la première vague, 77-80, un film de Éric Simon et Alain Clich, c'est un documentaire, c'est pas vraiment l'occasion de voir la crowd. Il y a quelques extraits, mais ouais, c'est plutôt difficile. Dans le DVD à côté, il y a des chansons et aussi c'est les groupes qui sont les plus interviewés durant le documentaire, les 222s, The Normals et The Chromosomes, qui sont les groupes marquants de Montréal, de la scène punk. Et je trouve que depuis l'année dernière qu'il y a eu le festival 77 Montréal, je crois qu'il y a une volonté de vouloir remettre en avant-plan cette partie de l'histoire. Parce que, en tant que francophone, c'est... Ah, oh, mon Dieu, je le dis tout de suite, on va en écouter une chanson de Normals qui est en français. Mais oui, c'est surtout une scène qui était anglophone. Et on était bien occupés. Je dis « on », là, je ne l'ai pas née, là, mais... On était bien occupés à aimer Harmonium, tu sais, pendant ce temps-là. Fait que pour même des amateurs de musique, il peut y avoir des fois, des certaines parties de l'histoire du Québec, musicalement parlant, qui peut nous être passées quelque peu sous le radar. Et aussi, parce que ça passait vite, après, il y a le New Wave, plusieurs groupes qui ont commencé punk sont allés rapidement dans le New Wave. C'est une histoire vraiment intéressante à écouter. Le pire, là, je vous le dis, je pense à au moins la deuxième ou la troisième fois que j'écoute le DVD, mais je trouve que cette fois-ci, c'est con, hein, mais je pense que c'est une question de réception. C'est la première fois que tu l'écoutes, puis dépendamment de ce que tu as écouté avant, après, tes connaissances, t'absorbes, puis le réécouter, on dirait que là, ça vient juste comme consolider tout ce que tu avais retenu la première fois. Et... ce que j'ai bien apprécié et que là, j'ai pu vraiment prendre en note, c'est les lieux. Et je serais curieuse parce qu'à CISM, les auditeurs, vous êtes... J'allais dire d'âge varié, là, c'est pas un euphémisme pour dire qu'il y avait des jeunes puis des vieux, mais non, pour de vrai, la crowd est variée à CISM, et je lance vraiment un appel à tous, parce que comme je viens de dire, ben j'étais pas vivante, fait que je peux pas te compter des souvenirs de crowd, mais durant le DVD de Montréal Punk Première Vague, ben il parle entre autres de l'impact qu'a eu le spectacle d'Iggy Pop avec Blondie à l'Auditorium, le Plateau. J'ai jamais entendu parler de l'Auditorium du Plateau et encore moins de ce spectacle. Si toi, ton père, ta mère, de ton entourage y était, oui, je suis curieuse de savoir c'était comment. Mais l'endroit que j'aimerais, oh mon Dieu, avoir le plus de retour, c'est la salle, le 364 Saint-Paul, qui était vraiment un lieu fort de la scène punk à Montréal. Et je me dis, avec, ben, disons, ma déduction un peu cabochonne, je me dis, si c'était un lieu fort de la scène punk de Montréal, ça voudrait dire que c'est peut-être la place où il y a eu le premier mosh pit à Montréal et au Québec. Si c'est le cas, je serais... Oh mon Dieu, je pense que je vais passer en face juste pour aller admirer l'immeuble puis faire « Oh mon Dieu, c'est peut-être là qu'il y a un moment d'histoire. Je passe devant sans m'en rendre compte depuis tout ce temps. » Mais ouais, je serais quand même assez curieuse. Et autre événement qui avait été marquant, bon, là, on parle de lieu. Il va pas passer devant l'Université McGill puis capoter, là, mais... Mais en 79, il y avait eu le tout premier festival punk avec les Chromosomes et les 222s en spectacle. Puis ça avait été plutôt chaotique. Même un des membres du groupe relate que c'est le spectacle qu'il n'a jamais vu autant de monde chaud en même temps, dans la même salle. Ça a mal viré. Faut dire aussi comme la perception de comment apprécier le spectacle. Tu sais, c'est fou, même juste les images d'archives. On voit le trash qui oui, c'est plus des sauts. Il y a plus, c'est plus brouillon. C'est drôle, ma comparaison, mais l'image qui me venait, c'est si je compare avec mes référents d'aujourd'hui puis je regarde un trash de 77-79, j'ai l'impression que je regarde une toile impressionniste, tandis que quand je regarde un trash aujourd'hui, mais ce serait comme une toile figurative. Comme les codes sont tellement assimilés et tellement, parfois prévisibles, qu'il y a vraiment un contexte précis pour le faire, une façon parfois même de bouger aussi qui est précise. Tandis que là, il y a... Ouais, brouillon. Il y a brouillon parce que c'est pas aussi chaotique. Là. Il y a pas des fois, c'est parce que c'est le gros bordel puis on voit plus où c'est que ça se passe. Il y a de ça aussi dans autant avant qu'aujourd'hui. Mais ouais, la façon que c'est établi n'est pas la même. Je trouve ça très beau à observer. Je trouve ça très beau à voir. Alors, tout simplement pour ces images-là et aussi pour l'histoire, je vous recommande d'aller écouter le DVD Montréal Punk, Première Vague. Et finalement, c'est ça, le tout premier festival punk de McGill. Si vous y étiez, votre famille y était. Ben, votre famille. Votre famille. Peut-être que, je sais pas, peut-être vos parents se sont rencontrés à ce festival-là. Il était super chaud puis l'amour est arrivé. Mais, oui, quand je disais les gens avaient une drôle de réponse au public, c'est parce qu'il y a un des groupes qui raconte qu'ils s'étaient fait verser du lait au chocolat dessus. C'est comme après avoir eu des flopées de bière, ils sont fait arroser de lait au chocolat. Ça me fait quand même rire! Tantôt, je vous parlais de gars plein de boîtes qui ressemblent à des cornets de crème glacée au chocolat. Mais eux autres, ils recevaient littéralement, tu sais. Alors, voilà, je relance l'appel à tous, mais si vous avez été présent à cette époque-là, oui, j'ai envie de te jaser en tant que critique de crowd, mais aussi en tant que Jolene Ruet, qui est toujours très curieuse du passé. Sur ce, ben oui, on va aller en écouter du Normals en français. Et c'est le sport! C'est pour les fascistes sur les ondes de CISM. 1, 2, 3, 4... J'étais de mèche côté à un bon sport. Le sport, c'est fasciste. Ok, ça fait chier. J'étais de mèche côté à un bon sport. Si en 77, il y avait The Normals en France, il y avait Star Shooters et vous avez entendu une de leurs chansons, Quelle crise bébé, voilà la fin de Critique de Crowd en ce spécial DVD, qui va se terminer la semaine prochaine parce que j'ai même pas tout compté. Ben oui, toujours plein de jasettes sur les ondes de la marge. Je vous aime beaucoup, Crowd, et on s'en va écouter les Marmottes aplaties parce qu'ils ont annoncé qu'ils vont sortir leurs albums en vinyle, puis je capote beaucoup, beaucoup, et je vous dis surtout à la semaine prochaine, Crowd. Bye-bye! Janvier au 3 février prochain, soyez de la troisième édition du Tavern Tour. Plus de 45 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes du plateau Mont-Royal. Voyez entre autres Galaxy, Fred Fortin, A Place to Bury Strangers, Duchess Cess, We Are Wolves, Nara Tremblay, Clément Jacques, Danny Placard, Solids, Corridor, Le Couleur, Popière, Anémone, Country, Sarah Dion et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au taverntour.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal. La 19e édition de Montréal en Lumière réserve bien des surprises gourmandes. Pour la première fois à Montréal, le Nordic Food Lab avec le conférencier danois Michael Baumfrost. Le cidre dans toutes ses déclinaisons, pétillant, doux, sec, de glace et aromatisé lors du Mondial des cidres SOQ au Complexe des Jardins. Et nos bonnes tables Air France participantes offrent plusieurs activités alléchantes du brunch au 5 à 7. Réservez maintenant, billets et infos sur montrealenlumière.com, présenté en collaboration avec Bell, en association avec La Presse Plus et CISM. 5-14-25, propulsé par Commotion Agitateur de Culture, présente Tire le Coyote à Laval. Son nouvel excellent album « Désherbage en poche », Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, est de retour sur scène pour présenter son folk rock aux accents siamanais. Venez découvrir la puissance de son écriture et sa sensibilité. Tire le Coyote, le 18 janvier, en spectacle à la Maison des Arts de Laval, située tout près du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Stone Black est fier de présenter Destroyer et Megabug le 23 janvier au Théâtre Fairmount. Ne ratez pas votre chance d'assister à cette soirée et achetez vos billets maintenant. Pour plus d'informations, visitez le www.blueskyturnblack.com. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés